Pourquoi la mer est salée et soupe à l'eau de mer et parure de lieu. Écrit par Hélène du Guezouvraz, lu par Armen pour audiocité.net. Avez-vous jamais goûté l'eau de mer, par inadvertance ou par accident? Pouah, que c'est salé! Et pourtant, des milliers et des milliers de poissons, de coquillages, de crustacés, de plantes et bien d'autres formes de vie improbables ne peuvent vivre que dans la mer, et dans la mer salée. Mais au fait, savez-vous pourquoi la mer est salée? Voici ce que m'a expliqué un vieux pêcheur du Dourduf. Et vous savez que les vieux pêcheurs, surtout ceux du Dourduf, ne mentent jamais. Et leur mémoire est aussi fertile qu'infaillible. C'était il y a si longtemps que l'arrière-grand-père du grand-père de votre arrière-grand-père n'était pas encore né. Le sable des plages de l'île Callot et du Clouette n'était encore que landes et rochers, et les paysans de Saint-Paul-de-Léon venaient en charrette à l'île de Bas pour y faire la moisson. En ce temps-là, le rivage de la mer se trouvait tout là-bas à la ligne d'horizon, et, chose encore plus curieuse, l'eau de la mer n'était pas salée. Les pêcheurs en rapportaient carpes et goujons, truites et brochets, mais jamais la moindre sardine, jamais le plus petit merluchon. Le père Floch était le plus ancien marin de Roscoff. Il était venu au monde il y avait si longtemps qu'il ne savait plus lui-même son âge. Il avait déjà plus de 100 ans quand j'ai fait ma première marée, affirmait volontiers un vieux pêcheur au port. Et son bateau est pour le moins aussi vieux que lui. C'est vrai que sa barque n'inspirait guère confiance. Entre les bords des 10 juin, l'eau filtrait insidieusement. Floch ne semblait pas en faire cas. On le voyait seulement lorsqu'il jugeait que l'esquif s'enfonçait trop, déchausser l'un de ses sabots en guise d'écope et jeter par-dessus bord juste assez d'eau pour ne pas aller par le fond avant d'atteindre le port. Avec son unique casier couvert d'algues vertes, ce n'est pas lui qui risquait de dévaster les fonds. Il rapportait chaque jour exactement de quoi faire une fricassée ou une soupe parfumée. Vivant seul depuis bien longtemps, cela lui suffisait et jamais on ne l'avait entendu se plaindre. Ce soir-là, il hissait à bord son orin comme à l'accoutumée lorsqu'il vit s'agiter au fond du casier une étrange créature. Ce n'était ni un poisson ni un crabe, comme il l'espérait, mais une sorte de paquet d'algues d'où émergeaient de minuscules bras et une tête ébouriffée. Jamais de toute sa vie il n'avait vu chose pareille. Avec précaution, il la sortit de sa prison, la débarrassa des algues qui l'entravaient. Il découvrit alors une espèce de petite bonne femme, grande comme la main et dont les jambes auraient été remplacées par une queue de poisson d'un vert émeraude fluorescent. La curieuse petite créature s'agitait entre les doigts du pêcheur. En l'examinant de plus près, Floch s'aperçut qu'elle remuait les lèvres comme si elle parlait, mais le claquement de la voile et le ressac empêchaient d'entendre quoi que ce fût. Pour en avoir le cœur net, Floch affala la voile, s'assit sur le banc de nage et approcha de son oreille son étrange capture. Cette drôle de petite femme poisson parlait d'une voix à peine audible, certes, mais elle parlait. S'il te plaît, Flock, rejette-moi à la mer. Que pourrais-tu faire de moi? Je suis la reine des fées des eaux. Mon peuple et moi vivons au fond de la mer et c'est nous qui accrochons les poissons dans les filets des pêcheurs. Je m'apprêtais justement à déposer une carpe dans ton casier quand tu l'as relevée et je suis restée dans le piège. Si tu me relâches, je te récompenserai, car notre pouvoir est très grand. » Aussi éberlué qu'amusé, le vieux Flock ne réfléchit pas longtemps. Ce gros coquillage qui restait au fond du casier suffirait bien à son repas du soir. Se penchant au-dessus de l'eau, il y déposa délicatement la reine des fées des eaux. Elle plongea comme un éclair, puis réapparut aussitôt. Sa voix était cette fois beaucoup plus forte. « Merci, vieux Flock, merci de m'avoir libéré. Pour te remercier, garde bien ce coquillage que tu as pêché, car il est magique. Chaque fois que tu désireras quelque chose, dis exactement « Petit coquillage des sirènes, tourne, tourne sur toi-même et tourne ceci en mes mains. » Pour l'arrêter, il suffira de lui dire « Petit coquillage des sirènes, arrête ton moulin, repose-toi jusqu'à demain. » Surtout, n'oublie pas ces formules, sinon le coquillage ne t'obéirait plus. Et dans un remous turquoise, la petite sirène émeraude disparut. En débarquant sur les rochers de bas, Pélage fredonnait. Cette aventure hors du commun l'avait mis de bonne humeur, mais comme il lui arrivait de s'assoupir dans sa barque en compagnie d'une dame Jeanne, il n'était pas sûr, au fond, de n'avoir pas rêvé toute cette histoire. Au moment de se mettre à table devant son éternel bol de soupe, il se prit à soupirer. « Que j'aimerais ce soir manger un rôti de porc bien doré, comme celui de mes noces, il y a si longtemps. Et si ce coquillage avait réellement le pouvoir de... » Il prit son ton le plus sérieux et ordonna. « Petit coquillage des sirènes, tourne, tourne sur toi-même et tourne un rôti en mes mains. » La phrase était à peine achevée qu'un énorme rôti doré à points lui sautait dans les mains. De surprise, le vieux pêcheur lâcha ce mets tombé du ciel, mais un second rôti semblable vint aussitôt le remplacer. « Holà, c'en est trop! Petit coquillage des sirènes, arrête ton moulin, repose-toi jusqu'à demain. » Jamais Flock n'avait été à pareil festin. Il s'endormit en rêvant aux mille choses que le coquillage allait lui procurer désormais. Avant le soleil levé, il était sur le port. Mais comme il appareillait, la lourde voile défraîchie et rapiécée se déchira brusquement. Au lieu de se désoler, il pensa tout de suite au coquillage qu'il avait en poche. « Petit coquillage des sirènes, tourne, tourne sur toi-même et tourne une voile entre mes mains. » Une magnifique misaine rouge se déroula au pied du mât. Le marin se pressa de lancer la seconde formule. Il n'avait que faire d'une deuxième voile semblable, car la barque était bien petite. En voyant sortir le vieux canot arborant une belle voile rouge, les autres marins n'en croyaient pas leurs yeux. Depuis qu'ils connaissaient Flock, jamais ils ne lui avaient rien vu de neuf. Où pouvait-il avoir trouvé de quoi s'acheter pareil gréement? Quand le lendemain, on le vit sortir de sa chaumière, portant vareuse encore craquante d'après et sabots fleurant le bois fraîchement tranché, l'étonnement fut à son comble. Flock avait-il vendu son âme au diable? Il fallait savoir. Le village dormait depuis longtemps déjà. Seule la lampe de Flock brillait derrière les petits carreaux de la maison. La porte de la chaumière d'en face s'entr'ouvrit discrètement. Sautant le mur, une silhouette vint se hisser jusqu'à la fenêtre éclairée. Le voisin avait été chargé de surveiller les faits et gestes du nouveau riche. Le pêcheur était assis devant l'âtre, un coquillage posé sur les genoux. Le voisin l'entendit nettement prononcer. « Petit coquillage des sirènes, tourne, tourne sur toi-même et tourne une bûche en mes mains. » Ébahi, le curieux vit une grosse branche de chêne sortie d'on ne sait où, se placer en travers des genoux du bonhomme. Il en savait assez. S'il réussissait à se saisir de ce coquillage magique, sa fortune était assurée. Ce n'étaient pas des voiles et des habits qu'il demanderait, mais de l'or et des diamants. Tapi dans l'ombre, il attendit que s'éteigne la lampe de Flock. Il attendit encore et poussa la porte que le marin ne fermait jamais à clé, car il ne possédait rien chez lui susceptible d'attirer les voleurs. Le boulanger du port allumait son four lorsqu'il vit passer le voisin de Flock chargé d'un grand sac. « Déjà levé, Eunique ? Où vas-tu si tôt avec ton barda sur le dos ? J'embarque pour Brest où j'ai affaire. » Il quittait en réalité le pays pour toujours, car il emportait le coquillage magique et préférait être loin avant de s'en servir. Ainsi personne ne soupçonnerait la raison de sa fortune nouvelle. Une fois au large, il comptait d'abord faire changer sa barque en goélette, lui faire apparaître un équipage et aller aux Amériques, où il aurait carrosse, château et jardin. Il lui fallait pour l'instant gagner la haute mer avant que Flock ne s'aperçût du larcin. Sur le coup de midi, il prépara une soupe de poisson sur le fourneau du bord. Mais dans sa précipitation, il avait oublié à terre le sel. Quel triste menu! Mais mon coquillage va sûrement me venir en aide. Que disait le vieux déjà? Ah, j'y suis! Petit coquillage des sirènes, tourne, tourne sur toi-même et tourne du sel en mes mains. Une poignée de sel blanc bondit dans la marmite. Oh, oh, pas tant, tu vas gâcher ma soupe. Une autre poignée avait rejoint la première, puis une autre encore. Merci, merci, c'est trop, j'en avais bien assez d'une poignée, arrête-toi. Mais le sel continuait à s'amonceler sur le fourneau. « Cela suffit! Vas-tu finir, maudit coquillage ?» Le fond de la barque était maintenant recouvert d'une épaisse couche blanche qui roulait en vagues au gré du roulis. Eunique en avait jusqu'aux genoux et tentait en vain de se dégager tandis que le bateau s'enfonçait lentement. Au prix d'un terrible effort, il put agripper le mât et s'y hisser. Si seulement il avait pu retrouver le coquillage et le jeter à l'eau, sans doute cette marée de sel se serait-elle arrêtée. Mais le coquillage était lui-même enseveli, on ne sait où. Eunique se sentit perdu. Le sel dépassait le plat-bord et retombait en cascade dans la mer. La barque n'allait pas tarder à couler bas. Le marin saisit une brassée de liège suspendue au mât et sauta à l'eau. « Bien mal acquis ne profite jamais », se dit-il amèrement, se remémorant bien tard les sentences de sa bien vieille mamgose. À Roscoff, comme ailleurs, les pêcheurs s'aperçurent bientôt qu'ils ne rapportaient plus les mêmes espèces dans leurs filets. C'était maintenant des maquereaux, des sardines et des lieues. Voilà des poissons qui avaient du goût. Et puis un jour, un petit enfant qui apprenait à nager au bord de la plage revint en hurlant vers sa mère. « Elle est salée! Elle est salée !» On mit un bon moment à comprendre. Il avait avalé une gorgée d'eau et avait ressenti une soudaine brûlure. L'eau de la mer était salée. On vérifia ici, on vérifia là. Partout la mer était maintenant salée. Quelque part au fond de la mer, un très vieux coquillage tourne sans cesse sur lui-même, et l'on raconte qu'au large de l'île de Bas, la mer est toujours plus salée qu'en tout autre point du globe. Va savoir pourquoi. Soupe à l'eau de mer et aux parures de lieux de Yunique. Un joli lieu de ligne dans ses filets, 2 litres d'eau de mer filtrée, 2 beaux oignons rosés de Roscoff, 1 bouquet d'ail triquêtre glané, 4 échalotes, 1 petit blanc de poireau, 1 petite branche de céleri, 1 petit bulbe de fenouil, 1 grosse pomme de terre, 1 carotte, 1 belle noix de beurre demi-sel, 1 petit bocal de coulis de tomates maison, 2 feuilles de laurier fraîches, 2 branches de thym frais, 1/2 cuillère à soupe de carigosse. Ici, il est question, après avoir cuisiné les filets délicats du lieu jaune de ligne, d'utiliser le reste du poisson pour n'en rien perdre. Il faut donc conserver la tête, ôter toutefois les yeux, les arêtes, les bas morceaux, ventre, etc., les nageoires du lieu. Enlever toutes les parties sanguinolentes pour éviter l'amertume. Couper donc grossièrement en morceaux ces parures. Peler et nettoyer les légumes, oignons, échalotes, pommes de terre, fenouil, céleri, poireaux, carottes, etc. Hacher les oignons et les échalotes au couteau. Couper le reste des légumes en tronçons et cubes grossiers. Faire fondre et légèrement caraméliser oignons et échalotes dans une marmite à fond épais. Ajouter alors tous les légumes, sauf la pomme de terre, puis le carigosse, le coulis de tomates, les herbes aromatiques. Laisser cuire 1 bonne minute en remuant avec 1 cuillère en bois avant d'ajouter les morceaux de poisson, puis mouiller avec l'eau de mer. Amener à ébullition, puis laisser cuire à couvert et à feu moyen pendant 2 heures. À l'aide d'une écumoire, récupérer les petits morceaux de chair du lieu qui se sont détachés et prélever le reste sur la carcasse réservée. Passer alors le bouillon au moulin à légumes afin d'exprimer tous les parfums du poisson et de faire barrage aux arêtes. Au moment de servir cette soupe, la réchauffer à feu doux, rectifier l'assaisonnement et servir avec la chair du poisson répartie dans des bols profonds et les feuilles d'ail triquêtre lavées, essorées et très finement émincées. Raconter alors l'histoire de Flock, de Yunique, des fées des eaux et des sirènes.